Bonne nuit! Ce soir, c'est un moment formidable parce que dans quelques instants, il y aura un match avec les Brésiliens et sur scène, un des meilleurs groupes brésiliens du moment. Ça, on va laisser parler la musique. Ils vont jouer maintenant pour le Brésil. Let's welcome